Il faut que je vous dise tout d'abord, mesdames et messieurs, que je me suis fait tout seul. Et que je me suis raté. Ah ça, je me suis raté. Pas de beaucoup. Bah, j'ai d'autant plus de mérite à l'avouer que ça ne se voit pas tellement. Encore que personne ne m'ait jamais dit « vous vous êtes réussi ». Mais au début, lorsque je me faisais, je voyais bien que je me faisais mal. Mais comme à chaque fois que je me faisais mal, les gens disaient « c'est bien fait », j'ai continué de me faire mal en croyant bien faire. Alors, lorsque j'ai vu la tournure que je prenais, j'ai arrêté. Je me suis laissé dans l'état dans lequel vous me voyez. Alors on a dit, non seulement il est raté, mais en plus il n'est pas fini. Ah ben je préfère ne pas être fini. Un homme fini, il est fini. Avec moi, je suis inachevé. Comme une symphonie, peut-être. Vous savez que quand on est un raté, on se sent sûr de soi. À l'école déjà, le jour de l'examen, tous mes petits camarades avaient peur de ne pas réussir. Moi, j'avais pas peur. Ils arrivaient tout tremblants. Moi, j'étais sûr de moi. J'étais sûr de rater. Et puis, ça ratait pas. Ah ben, j'ai toujours réussi à rater tous mes examens. Alors ensuite, chaque fois que je gravis un échelon et que je le rate, j'ai la sensation de progresser. Alors on me dit, oui, mais vous gravissez moins vite que d'autres. Certes, mais je me rattrape dans la descente. Parce que les escaliers, je les dégringole 4 à 4. Les marches, j'en rate pas une, je les rate toutes. J'ai toujours arrivé le premier en bas, sauf une fois. Une fois. La fois où je me suis sauvé la vie. Parce que je me suis sauvé la vie tout seul. Évidemment, j'aurais préféré que ce fût quelqu'un d'autre qui me la sauva la vie. Mais comme personne ne passait par là, j'ai bien été obligé de me la sauver tout seul, ma vie. En descendant l'escalier. Une marche que je n'ai pas ratée. Je me suis retrouvé avec une jambe gassée au pied de l'escalier et personne pour me secourir. Allais-je me laisser pour mort? Je reconnais qu'ils ne se seraient pas arrêtés. Ils se seraient enjambés et puis ils auraient poursuivi leur chemin. Non-assistance à personne en danger de mort. Tandis que moi, quand je me suis vu, je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Ça m'a fait mal. J'ai dit, bouge pas, petit père, je vais te tirer de là. J'ai pris ma jambe à mon cou et je me suis sauvé. Alors depuis, la vie, je me la dois. L'avantage de se devoir la vie, c'est qu'on ne la doit pas à quelqu'un d'autre. Et au prix où est la vie, j'ai fait une affaire. Depuis, je ne peux rien me refuser. Je peux me demander n'importe quoi. Oh, j'ai aucun mérite, ce que j'ai fait pour moi, n'importe qui l'aurait fait pour lui. C'est vrai. Vous avez failli être en retard, messieurs dames. Ça ne fait rien, je vais tout recommencer. Alors, monsieur Tidon.